Les éditions de l'Avenir présentent les résumés des aventures de Perry Rodden, tels que rédigés par Michel Vanhereux. Cycle 1, la troisième force. Les fascicules allemands numéro 1 et 2, écrits par K.H. Scheer et Clark Dalton, parus en 1961, apparaissent dans le volume français numéro 1, Opération Astrée, paru chez Fleuve Noir en 1966. Première partie, Opération Astrée. Le 19 juin 1971, la fusée Astrée décolle à destination de la Lune. L'équipage se compose du major Perry Rodden, le commandant de l'expédition, des capitaines Reginald Bull et Clark G. Flipper, et du lieutenant Eric Manoli. Le vol se déroule sans incident, mais quand la fusée s'apprête à se poser, un brouillage bloque le téléguidage et l'Astrée se pose en catastrophe sur la face cachée de la Lune. Une tente pneumatique est installée pour effectuer les réparations nécessaires. Après 5 jours, Reginald Bull et Perry Rodden partent à bord d'une chenillette pour contacter la Terre. Quand ils commencent à émettre, un halo de fluorescence enveloppe l'appareil radio et l'anéantit. Ils cherchent à trouver l'émetteur de brouillage et découvre un vaisseau d'origine extraterrestre, une sphère de 500 mètres de diamètre avec un bourrelet équatorial qui a fait un atterrissage forcé. Ils sont accueillis par Crest, un très vieil homme, et Tora, la belle et hautaine commandante du vaisseau. Ils appartiennent au peuple des Arconides, originaire de la planète Arconis, à des milliers d'années-lumière de la Terre. Le reste de l'équipage se montre apathique. Les Arconides souffrent de dégénérescence et leur vaisseau est là depuis 4 mois. Perry Rodden propose son aide à Crest, malade. Il sait qu'avec leur technologie, les Arconides pourraient éviter une guerre atomique sur Terre et il veut profiter de l'occasion. L'Astrée est amenée près du croiseur Arconide et Eric Manoli examine Crest. Il diagnostique une leucémie. Tora explique que le vaisseau était à la recherche d'une planète connaissant le secret de la vie éternelle. L'Astrée est chargée de matériel arcanide et retourne sur Terre avec Crest à bord. Afin d'éviter que la technologie arcanide ne tombe entre les mains d'une seule nation, au risque de déclencher une guerre, Perry Rodan pose la fusée près du lac de Goshen, au nord de la Chine. Si Bull et Manoli acceptent sa décision, Flipper se montre hostile. Perry Rodan jette à terre les insignes de son grade. Deuxième partie, la troisième force. Les émissions étant brouillées, l'équipage de l'Astrée ne peut pas contacter l'extérieur. Un hélicoptère de la Fédération Asiatique se pose à proximité. Le maréchal Roon et le major Butan accusent Perry Rodan d'espionnage. Reginald Bull fait usage d'un neutralisateur de gravitation pour se débarrasser des deux officiers ainsi que du pilote de l'hélicoptère. L'engin est confisqué. Alan D. Merkent, le chef des services secrets occidentaux, l'International Intelligence Agency, et le général Leslie Ponder, commandant de l'astroport de Nevada Fields et chef des forces spatiales, apprennent que l'Astrée s'est entourée d'un écran énergétique et que Perry Rodan a utilisé une arme neutralisant la pesanteur. Un agent américain est envoyé en Chine, mais son avion s'écrase en percutant l'écran d'énergie. Perry Rodan réussit à contacter le général Ponder et lui explique qu'il a découvert sur la Lune un navire extraterrestre. Il veut édifier une troisième force, une force neutre entre les blocs rivaux. La situation devient extrêmement tendue entre les trois blocs qui s'apprêtent à faire usage de l'arme atomique. Perry Rodan fait une démonstration de force en creusant un cratère au Sahara avec un rayon de la mort lancé de la Lune. Le lieutenant Albert Klein est envoyé par Alan D. Merkent en Chine. Il est joint en route par son équivalent chinois, le lieutenant Li Chai-tung. Il retrouve près du site d'atterrissage de l'Astrée un agent russe, le lieutenant Piotr Kosnov. Ils décident d'unir leurs efforts. Klein entre en contact avec Perry Rodan. Sa mission est de convaincre Perry Rodan de détruire l'Astrée et, s'il refuse, de le tuer et de faire sauter la fusée. Il adhère toutefois aux idées de Rodan et lui révèle la vérité. Reginald Bull se rend en Australie et emmène avec lui Clark J. Flipper, rendu amnésique. Après avoir déposé son ami, il prend contact avec le docteur Frank M. Haggard qui, 2 ans plus tôt, a mis au point un sérum antileucémique. Il accepte de se rendre sur le territoire de la troisième force pour soigner Crest. La tension mondiale étant arrivée à son paroxysme, partout dans le monde, des missiles nucléaires sont tirés, mais ils n'explosent pas grâce à la technologie arcanide. Les grandes puissances s'entendent pour déclarer Perry Rodan ennemi public numéro 1. Les fascicules allemands numéro 3 et 4, écrits par Kohashir et Clark Dalton, parus en 1961, apparaissent dans le volume français numéro 2, La Terre a peur. paru chez Fleuve Noir en 1966. Première partie, le Dôme Radiant. Les forces asiatiques massées autour du site d'atterrissage de l'Astrée bombardent l'écran énergétique alors que Crest est toujours en cours de traitement. Les responsables des services secrets des trois blocs sont réunis au quartier général de l'International Intelligence Agency au Groenland pour discuter des actions à entreprendre contre Perry Rodden. Ils disposent d'informations obtenues auprès de Clark G. Flipper, lequel est décédé lors d'un interrogatoire. Trois fusées doivent partir sur la Lune pour anéantir le vaisseau stellaire afin de s'attaquer à la racine du mal. Le 26 août 1971, le pilonnage de l'écran d'énergie redouble d'intensité. L'état de Crest s'améliore. Les symptômes de la leucémie disparaissent, mais il demeure plongé dans le coma alors que le générateur de l'écran d'énergie menace de lâcher. Albrecht Klein, nommé récemment capitaine, est chargé d'apporter une culture radiobactériologique sous l'écran énergétique. Accompagné par Piotr Kosnov et Li Chai-Tung, il rencontre Perry Rodden. Il révèle qu'il a sur lui un bouillon de culture et l'informe que des fusées sont en route pour la Lune afin de détruire le croiseur Arconide. L'émetteur étant en panne, Perry Rodden ne peut pas prévenir Tora. Crest est réveillé et explique tout de suite comment réparer l'émetteur radio. Perry appelle Tora, laquelle se précipite vers la Terre à bord d'une chaloupe. Il n'a toutefois pas eu le temps de la prévenir des fusées en route pour détruire le croiseur. La chaloupe de Tora dévaste le camp chinois, puis se pose à l'abri de l'écran d'énergie. Informée de l'attaque en cours sur le croiseur, elle repart aussitôt, mais arrive trop tard. La fusée Astrée 2, commandée par le capitaine Michael Frith, et les appareils russes et chinois ont détruit le vaisseau Arconide avec des bombes atomiques. La chaloupe retourne dans le désert de Gobi. Deuxième partie, le crépuscule des dieux. Le tir d'écrasement contre le bouclier d'énergie de la troisième force reprend de plus belle, tandis que les responsables de la sécurité des trois blocs décident de creuser un tunnel sous la troisième force pour y faire exploser une bombe atomique. Crest propose à Perry Rodden et Reginald Bull une séance d'indoctrination afin qu'ils acquièrent une partie du savoir des Arconides. D'autres événements d'importance se produisent sur la planète. En Australie, l'employé de bureau, John Marshall, déjoue une attaque de banque après avoir lu les pensées de l'un des bandits. Aux États-Unis, Anne Sloan, qui est dotée d'un don de télékinésie, est choisie par Alan D. Merkent pour être envoyée auprès de Perry Rodden afin de le réduire à l'impuissance. Elle doit se faire passer pour la veuve de Clark G. Flipper. En Afrique, Ras Djoubaï, perdu dans la jungle, découvre qu'il est capable de se téléporter. À Munich, l'écrivain Ernst Ehlert explique à ses amis qu'il est capable de projeter son esprit dans l'avenir, dans son propre corps. Il a découvert que dans 8 jours, il sera auprès de Perry Rodden. Rodden et Bull se réveillent après leur séance à l'indoctrinateur et réalisent qu'ils possèdent de nouvelles possibilités. Équipé d'une armure arconide, Perry Rodden quitte la base pour se procurer des informations. À Los Angeles, il est contacté par John Marshall qui lui propose ses services. Perry Rodden entrevoit l'aide que pourrait lui apporter une armée de mutants. repéré par des agents de la défense, il vole un avion et s'enfuit. Il regagne la troisième force. Dans le désert de Gobi, Albrecht Klein, Li Chai-Tung et Piotr Kosnov ne savent pas comment prévenir Perry Rodden qu'une galerie est creusée. Ils bénéficient de l'aide inattendue de Taku Kakuta, un ingénieur japonais capable de téléportation. Il est déjà allé prévenir Perry Rodden. Le tunnel est immédiatement anéanti. Les fascicules allemands numéro 5 et 6, écrits par Kurt Mahr et W.W. Scholz, parus en 1961, apparaissent dans le volume français numéro 3, La milice des mutants, paru chez Fleuve Noir en 1966. Première partie, alerte atomique. Perry Rodden et Reginald Bull sont soumis à une nouvelle séance d'indoctrinateurs à bord de la chaloupe qui effectue un vol dans l'espace. Tora tente d'en profiter pour imposer sa volonté aux terriens afin qu'ils construisent un croiseur, mais Rodden et Bull peuvent l'en empêcher. Taku Kakuta a été chargé de se procurer les matériaux nécessaires pour construire un croiseur spatial. Il se rend à Pittsburgh, au siège des Ferroplastics Limited, une puissante firme industrielle. Il utilise son radiampsy pour convaincre le directeur de lui livrer le matériel. Jesse Morgan, un détective privé qui travaille pour la société, a des soupçons. De retour dans son hôtel, Kakuta est contacté par un membre des puissants syndicats ouvriers de l'industrie métallurgique. Après s'être débarrassé de Morgan à l'aide de son radiampsy, le mutant va voir le chef des syndicats et conclut un accord avec lui. Rodden et Bull se réveillent de leur nouvelle séance à l'indoctrinateur. Rodden décèle immédiatement une erreur dans les méthodes de calcul des Arconides. La chaloupe met le cap sur la Lune pour pénétrer dans l'épave du croiseur Arconide. Tora découvre qu'un SOS a été envoyé automatiquement. Une importante conférence doit avoir lieu au quartier général de l'International Intelligence Agency. Perry Rodden se rend sur place et, invisible, pénètre dans la base. Alan D. Merkent décèle sa présence et les deux hommes discutent. Perry Rodden l'informe qu'une flotte de vaisseaux-robots cingle certainement vers la Terre. Il veut avoir les coudées franches pour défendre la Terre. Merkent affiche sa sympathie pour Rodden. Merkent voit le président des États-Unis et lui conseille d'ordonner une alerte atomique. Il accepte, et les autres blocs font de même. Les chefs des services de défense, maintenant unis, rencontrent Perry Rodden. Tout embargo sur la fourniture de matériel à la troisième force est levé. Plus tard, un objet volant non identifié en forme de diabolo est repéré. La chaloupe attaque le vaisseau, qui appartient au peuple des Fontaines, et arrive à le détruire. Une explosion de joie dans le monde entier salue la nouvelle de la victoire. Deuxième partie, la milice des mutants. La troisième force est reconnue comme un état souverain, mais elle a besoin d'argent pour acheter le territoire sur lequel elle est établie. À Londres, Homer G. Adams sort de prison où il a passé 14 ans suite à des malversations financières. Il va voir son associé, Hiram Barry, et obtient qu'il lui remette une importante somme d'argent. Il prend ensuite l'avion pour Tokyo. Le premier vol qu'il a intentionnellement loupé s'écrase au sol et des pirates de l'air, mandatés par Barry, s'emparent de l'appareil qu'il prend ensuite. Adams a pour voisin John Marshall, Et la troisième force, qui s'est arrangée pour faire libérer Adams, intervient. L'avion se pose en Inde. Les pirates sont arrêtés et Adams emmené auprès de Perry Rodden. Il doit devenir le ministre des Finances de la troisième force. Homer G. Adams installe à New York le quartier général de la compagnie Générale Cosmique. Elle propose son aide aux entreprises faisant appel à la technologie Arconide en échange d'une participation aux gains. Les agents de la troisième force manipulent la bourse, n'hésitant pas à faire croire qu'un autre astronef extraterrestre a été abattu. En peu de temps, une fortune est amassée. Au quartier général de l'IIA, Alan D. Merkin se voit contraint d'abattre le capitaine Zimmerman au comportement anormal. On découvre peu après les restes d'une créature extraterrestre. À l'aide d'un détecteur d'ondes cérébrales, Taku Kakuta et Reginald Bull repèrent des mutants lors de la finale de la Coupe du Japon de football à Nagasaki. Tamayo Kida, André Lenoir, Ralph Martin, Wuryu Sengu, Son Okura, Tanaka Seko, Doitsu Ataka, Kitai Ishibashi, Nomo Yatushin et Ishimatsu. Ils les enlèvent. D'autres ont aussi été recrutés. Ras Chubai, Filmer Lloyd et Ernst Ellert. Les mutants sont amenés sur le site de la troisième force où Perry Rodden veut créer une troupe d'élite. La télékinésiste Anne Sloan, envoyée par Alan D. Merkin pour infiltrer la troisième force, est immédiatement démasquée, ce qu'avait d'ailleurs prévu Merkin. Merkin vient voir Perry Rodden et l'informe de la découverte au Groenland. Crest identifie la créature comme un VAM, un voleur d'âmes. Ce sont des êtres capables de projeter leur esprit dans le corps d'un autre être vivant. Un vaisseau VAM est repéré. Alors que les étrangers tentent de prendre le contrôle de Reginald Bull, Taku Kakuta se téléporte à bord avec une bombe et détruit le navire. Les fascicules allemands numéro 7 et 8, écrits par Clark Dalton et Kurt Marr, parus en 1961, apparaissent dans le volume français numéro 4, Base sur Vénus, paru chez Fleuve Noir en 1966. Première partie, les voleurs d'âmes. Sammy Daring, un employé du ministère de la Défense, est possédé par un VAM et réalise avec horreur qu'il est enfermé dans un corps non humain. Le VAM se rend à son bureau et exige de consulter des dossiers concernant la défense intérieure. L'extraterrestre a toutefois commis une erreur, confondant Sammy Daring avec Samuel Daring, le ministre de la Défense. Informé du comportement anormal de Daring, Alan D. Merkin arrive, mais l'intervention inopportune du chef de service fait comprendre son erreur au VAM et il s'enfuit, libérant Daring. Peu après, le ministre est possédé. Perry Rodden est parti pour Vénus avec la chaloupe des Arconides qui a reçu le nom de Bonne Espérance. Il compte édifier une place forte sur cette planète. Prévenu de la situation sur Terre, il revient rapidement. Un plan est mis au point pour détruire la base que les VAM ont sur Terre. Perry Rodden s'intéresse également à une enfant de 6 ans, Betty Tufree, qui a abattu son propre père. Tout indique que celui-ci était possédé par un VAM et que la fille est une mutante. Ernst Ellert la suit dans le flux temporel et apprend qu'elle est télépathe et surdouée. Le lieutenant Li Chaitung est possédé par un VAM. Taku Kakuta, Ras Chubai et Ernst Tellert le suivent et apprennent qu'il se rend à Nevada Fields. Là, ils rencontrent le professeur Lehman, également possédé. Les mutants comptent forcer les VAM à quitter leur corps d'emprunt et à suivre leur esprit pour localiser leur base. Lors d'essais sur un nouveau carburant, la télékinésiste Anne Sloan abaisse à fond un levier commandant une transformation atomique. Pris de panique, les VAM s'enfuient. Taku Kakuta se téléporte après eux. Ils se retrouvent dans leur base située en plein Himalaya. Comme Anne Sloan ne réussit pas à remettre le levier en place, Ernst Tellert se jette dessus. Il s'écroule, électrocuté. Son esprit est arraché à son corps et projeté à travers l'espace et le temps. Il commence alors une longue quête pour retrouver son monde d'origine. Appelé par Kakuta, la bonne espérance arrive. Rodan et ses compagnons pénètrent dans la base et attendent le réveil des VAM pour les détruire afin de protéger leurs victimes. Perry Rodan fait construire un mausolée dans le désert de Gobi dans lequel est placé le corps d'Ernst Tellert. Deuxième partie, celui qui attendait. Perry Rodan part pour la Lune afin de récupérer du matériel dans les soutes du croiseur Harkonnen. À peine arrivé, la Bonne Espérance est prise sous le feu d'une fusée terrienne. Il s'agit du Livrier, envoyé par les Américains pour piller le vaisseau. L'équipage a pris la chaloupe pour un vaisseau des VAM. La fusée est détruite et les trois occupants, le lieutenant-colonel Michael Frett, le lieutenant Conrad Deringhouse et le capitaine Rod Nissen, sont récupérés. Perry Rodan leur propose de se mettre à son service et ils acceptent. Après avoir récupéré du matériel, la Bonne Espérance se rend sur Vénus, dont les continents sont couverts de jungles impénétrables. La chaloupe est soudain déviée de sa trajectoire par une force inconnue. Un message est reçu, rédigé dans une vieille langue arconide. Il est émis depuis une forteresse dans les montagnes. La chaloupe se pose et les terriens font la connaissance d'une forme de vie intelligente qui évoque les phoques. Une équipe part à pied vers la base hostile et est confrontée en route à la faune et à la flore locale hostile. Après 3 jours de trajet, ils atteignent la région où doit se dissimuler la base souterraine. Ils finissent par trouver un passage. Le commandant de la base détecte leur présence et surveille leur progression. Taku Kakuta se téléporte au cœur de l'installation et est fait prisonnier. Il est soumis à une influence hypnotique et interrogé par le commandant. Comprenant que les étrangers sont venus avec de bonnes intentions, celui-ci les laisse entrer. Le commandant est en fait un cerveau positronique qui dirige cette base construite il y a 10 000 ans par les Arcanides. Ceux-ci édifièrent aussi une colonie sur Terre, l'Atlantide, qui s'abîma sous les flots à la suite d'une effroyable catastrophe naturelle. Les Arcanides disparurent ensuite. Le cerveau P désigne Perry Rodan comme son nouveau maître. Une fois l'inventaire fait, Tora doit admettre qu'il n'y a là aucun vaisseau capable de la ramener sur Arconis. Le fascicule allemand numéro 9, écrit par W.W. Scholz, intitulé « À l'aide pour la Terre », paru en 1961, ne fut pas traduit en français. Perry Rodan a remis les usines de robots de la base de Vénus en marche. Il reçoit alors un appel de détresse de la Terre. John Marshall lui apprend la détection de vaisseaux ovoïdes, sans doute des voleurs d'armes. De plus, certains humains semblent en leur pouvoir, dont un certain Clive Cannon. Rodan cingle vers la Terre avec la Bonne Espérance et 3 chasseurs. Ils détruisent les deux vaisseaux VAM détectés, mais laissent un canot s'échapper sur la Lune tout en y envoyant des robots pour l'observer. Rodden revient au désert de Gobi. Il y apprend que 300 cas de possession sont identifiés. La nouvelle du retour des VAM plonge le monde dans la panique. Rodden ordonne des patrouilles avec les chasseurs et demande à Alan Limerkent 500 hommes en renfort. Reginald Bull et Marshall se rendent à Chicago pour ramener Cannon. Marshall obtient un entretien avec Cannon, qui cherche un moyen de se rendre au Gobi. Cannon se trahit et Marshall le piège en lui faisant miroiter un poste à la troisième force. Cannon transporte au Gobi son corps VAM dans ses bagages. Il prétend que c'est un cadeau pour Rodden et celui-ci reçoit Cannon. À New York, beaucoup de postes haut placés sont occupés par les envahisseurs. Bull arrive et constate l'invasion, mais ne peut prévenir Rodden, la radio étant inopérante. Il tente alors de s'échapper avec une armure arconide. Rodden démasque Cannon et lui propose un marché. Merkent rejoint la base de Gobi avec plus de 300 hommes. Rodden révèle alors le prototype de détecteur de VAM mis au point grâce au cerveau positronique. L'appareil filtre l'entrée des hommes de Merkent et repère un autre VAM. Le 29 juillet 1972, les chasseurs décollent pour libérer New York. Bull intervient, lui, sur la Lune. Trois VAM meurent et plus de 500 corps sont capturés. Au total, 732 corps sont détenus sur la base de Gobi. Les VAM se rendent, New York est libérée. Début août 1972, Rodden autorise les VAM à embarquer sur un de leurs vaisseaux, resté autour de Mars, et les contraint à ne jamais revenir. Les éditions de l'Avenir vous ont présenté les résumés du cycle 1, des fascicules 1 à 9 des aventures de Perry Rodden, tels que rédigés par Michel Vanerue. Vous pouvez le trouver à rodden.stellark.com. La musique utilisée est de Kevin MacLeod, incompetech.com et Christian Martin. Cet enregistrement est diffusé sous contrat Creative Commons, share alike, et est une production 2013 des éditions de l'Avenir. Pour tout connaître de nos productions, visitez l'avenir audio.canalblog.com. Merci de votre attention et à bientôt.